groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur Arcousse 95 FM. Eh bien, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'IRQC 95 FM. Bonsoir, Slasher. Bonsoir, Scream. On vous tracassez pas, aujourd'hui, Sylvain sera là. Oui, elle sera bien présente. Un petit retard, comme ça. Oui, voilà, ça arrive. Ça arrive, hein. Ça arrive, donc elle va arriver incessamment sous peu. Voilà, donc en forme pour ce 1er mai. Oui, en forme. Un petit peu fatigué de la soirée qu'on a eue hier, mais bon, ça ouais, valait le coup. Ça valait le coup, okay. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait là? C'était le concert de Civil War, Nightmare et Anthenasia, au de Crogne. Voilà, bon petit concert, trois groupes, oui. Super sympa, très intimiste. Très intimiste, oui. Et de très bonnes rencontres avec des potos qu'on n'avait plus vus depuis, pour ma part, depuis 3 ans, hein, les Nightmare qui étaient là. On a pu discuter avec Matt et on a pu discuter aussi avec les membres de Civil War, oui. Et bien entendu le de groupe... Anthenasia. Voilà, on vous parlera de ça. Avec Sylval. Avec Sylval tout à l'heure. Hein. Nous, on va commencer la programmation musicale aujourd'hui avec une petite nouveauté. C'est le groupe Hell or High Waters. Yes. La pochette, elle est là. Hein. Hop, coucou, la voilà. Et l'album s'appelle Vista. On remercie Spin Farm Record, donc Tonton Roger. Oui. Et on va s'écouter, on va commencer avec de l'alternatif, gentillet, avec le titre Blister. Franchement, c'est une superbe chanson. Et vous allez voir que des fois, des petits refrains vraiment efficaces peuvent vraiment construire vraiment une très très bonne chanson pour pouvoir chanter en concert. Voilà. On se retrouve tout de suite après cette chanson. Make a decision. Voilà, je vous l'ai dit, on commence gentiment avec de l'alternatif, hein, oui. Avec Hell or Hangers, et c'était Blister, extrait de l'album Vista. Oui. Voilà, on a commencé gentiment, ça fait plaisir. Et vous voyez, le refrain est tout con, mais franchement, on retient facilement la mélodie. Voilà, on en profite un peu pour faire un petit coucou à tous les gens qui nous saluent déjà maintenant, c'est bien. Coucou. Ça nous fait plaisir. Coucou les amis, pour un 1er mai, on est là. C'est nous, votre brin de muguet ce soir. Oui. Voilà. Alors, Slasher, tu nous auras préparé une belle... Oui, oui. Slasher Song, bien entendu, oui. Tout à l'heure. Hein. On s'écoutera ta Slasher Song, on écoutera bien entendu la Sylvia Song. Oui, et la balade. La balade crapuleuse. Normalement, elle viendra avec une interview aussi, Sylvia, et bien entendu, plein de nouveautés de derrière oui. Les fagots, les petits loulous. Vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM avec vous jusque 22h. Le Slasher, bientôt Sylvia, on sera rejoint oui. Par Sylvia et Scream. Donc, on vous rappelle aussi qu'il y aura plein d'événements, notamment le 12 mai, événement à ne pas rater, c'est la warm-up Hellfest au Splendide à Lille. Si vous voulez essayer de remporter les derniers passes, trois jours pour le Hellfest, des goodies, t-shirts, gobelets. Voilà, on y sera aussi. Donc, c'est aussi l'occasion pour vous, si vous y allez, de nous rencontrer et pourquoi pas discuter avec les gens de Rive d'Enfer. Maintenant, vous savez oui. À quoi on ressemble. On ne peut plus y échapper. Oui. Alors, Atracha, l'album s'appelle No Fear to Face White Berries Inside. Et on va s'écouter l'album, le titre, pardon, Victorious. Curse return. Alors, qu'est-ce que tu en penses, mon petit slasher? Bah, c'était bien. À trait de chat avec Victorious. Franchement, ça bétonne bien quand même. Hein. Oui. Voilà, et on remercie. Donc, on nous demande d'envoyer du lourd. On envoie du lourd. Hein, voilà, et beaucoup de nouveautés. Notamment Fading Azalea. L'album s'appelle Maze of Melancholy. Le titre qu'on va s'écouter, c'est In the Name of Justice. Et on se retrouvera tout de suite après pour ta slasher song. Oui. Voilà. Thank you. Voilà, donc c'était encore une petite nouveauté, hein. Oui. Et il s'agissait tout simplement de Fading Azalea avec In the Name of Justice, comme vous avez pu voir. Là, il y a vraiment tous les mélanges qui se sont faits. On est passé à du black, à du metal voice, vraiment tout un mélange quand même, oui. Comme ça. Voilà, donc on a fait plaisir à tout le monde en même temps, c'est bien, hein. Alors, on va poursuivre avec la Slasher Song. Et oui. Et tu nous as choisi quoi, Slasher, et pourquoi ? Alors, j'ai choisi un groupe qui n'existe plus malheureusement dans sa formation. C'est White Zombie, l'un des premiers groupes du chanteur Robert Bartley Gummings, de son vrai nom et de son nom fictif Rob Zombie. C'était son premier groupe qui a été formé en 1985 et qui s'est arrêté malheureusement en 1998. Et ce groupe nous vient fatalement des États-Unis. Donc dans les membres, il y a Rob Zombie, oui. Rob Gummings. Au chant, Yann Setsoul, qui est la bassiste et qui était son ex-femme. Mais oui. Il a rencontré Sherry Moon, qui était une de ses danseuses pendant ses concerts. De White Zombie, justement. Et ça a été, oui, durant White Zombie. Il y a Jay Ringer à la guitare et John Tempspa à la batterie. Mm-hmm. Et franchement, vous devez au moins connaître le titre More Human, Dead Human. C'est un titre phare, super connu. Et là, en l'occurrence, c'est le titre Soul Crusher qui vient de l'album El Sexorcito. Voilà. Et pourquoi j'ai choisi ? Tout simplement parce que ce chanteur qui vient avec son groupe Rob Zombie, il vient au Hellfest. Ouais. Et avec un show spécial pour le Hellfest. D'accord. Et puis tu les as déjà vus aussi, toi ? Oui, au Lockersfesten. Voilà. Et là, tu vas le revoir. Revoir, oui. Au Hellfest. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir sur White Zombie avec Yann Setsoul. C'était vraiment, vraiment, vraiment bien aussi. Et puis, bien entendu, on les avait aussi avec la formation actuelle, Rob Zombie, avec John 5. Oui, John 5, Piggy D, etc., etc. Voilà. Ils sont tous super sympas, donc... voilà. Alors, vas-y, je te laisse annoncer. Donc, on va s'écouter White Zombie avec le titre Soul Crusher. Alors, c'est le Slasher sur RQC 95 FM. Sur Rêve d'enfer. Et là, on va s'écouter ma Slasher Song. We'll be right back. Voilà, donc c'était Slasher. Donc, c'était Wild. Donc, c'était Wild Zombie avec le titre Soul Crusher. Voilà, donc on en profite. Bonsoir Sylvain. Hein. Bonsoir les enfants. J'arrive comme un cheveu dans la soupe. Moi. Voilà, c'est normal, c'est congé. Donc voilà, elle vient de se lever. Elle vient de se lever, c'est normal. Non, c'est pas non, vrai. Non, c'est un menteur, c'est une mauvaise langue. Non, je rigole, mais c'est normal. Normalement, le premier mois, on ne travaille pas, mais nous, on est là. Et comme on a dit en début d'émission, je ne sais pas si tu nous as écouté quand tu étais sur la route. Mais écoute, comme j'ai une nouvelle voiture, n'est-ce pas j'ai merdouillé avec l'autoradio, mais j'ai enfin trouvé 95 FM. Voilà. Donc oui, je suis arrivé au morceau où il y a tous les morceaux mélangés. Voilà. Donc on disait de début d'émission, on ne vous a pas offert le muguet, mais nous sommes votre brain muguet. Ouais, voilà. Oui. Alors c'est gentil, c'est bien dit. Alors d'ici quelques minutes, on va te retrouver avec une interview. Hein. Tout à fait. Mais avant ça, on va s'écouter un titre, et puis après, tu vas nous présenter le groupe que nous allons appeler. Hein, pour une interview, bah, tu peux déjà donner le nom du groupe. Hein. Alors le groupe, ça sera Born Again. C'est un super bon groupe, ça. Je vous conseille de rester connecté et rester aux écoutes de l'émission Rive d'Enfer parce que c'est un groupe, ça déménage. Ça déménage. Bah, si vous cherchez des déménageurs, non, je rigole. Si vous cherchez, bah tu peux. C'est un tartare, le gars. Un tartare. Hein, ouais. Ah, ne me fais pas trop rire, s'il te plaît. Ouais, bel homme. Hein, c'est quand je commence à douser, c'est fini. Bel homme, enfin, ils sont tous bien dans ce groupe, franchement. Aussi beau que moi. Pour être plus beau que toi, c'est difficile, ah, monsieur voilà. Squeal. Allez, Raven's Gate, l'album s'appelle Black Star Machinery, avec Kill the Under, et après on se retrouve donc pour l'interview donc de... Born Again. Yes. Go, Vegas! Bah, c'est pas mal du tout, hein, ça, quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais, une bonne petite tuerie, ça. Ouais, c'est un peu de l'industriel en même temps, c'est assez marrant. Ouais, c'est pas mal. Ça donne bien, ça bouge bien, ouais. ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd, voilà. Alors, si nous écoute, monsieur Thierry, décroche ton funtel. C'est nous quand. On t'appelle, on te harcèle. Voilà, bah, en attendant, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. C'est des fois le problème, l'inconvénient du téléphone. Ouais. Malheureusement, ils ne peuvent pas venir en studio, c'est un groupe qui habite dans le sud. Oui. Il y a des c'est pas nous. Pour une fois, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Donc on va mettre l'eau à la bouche, on va claquer un morceau de chez eux. Ouais, on va justement mettre un morceau de l'album. Donc on va mettre le premier, Generation. New Generation. Il est pas mal ce titre. Il est pas mal. Ouais, bon, ils sont tous bien. Mm-hmm. Ouais, il y a un cric-cric. Il y a un cric-cric, il y a des criquets, je sais pas ce que c'est. On va essayer d'y remédier. Voilà, donc on va essayer de remédier. J'ai l'impression que ça vient de moi, là. Je sais pas, peut-être. c'est des criquets, c'est les aléas. Dans deux minutes, vous allez me voir électrocuter, là. Les cheveux. On sera tous au courant. Voilà. Allez, je vais essayer de rappeler, moi, Thierry, hein. En attendant, et on va s'écouter un extrait donc de leur album. Hein. Oui. L'album s'appelle comment Strike with Power. D'accord. Elle est super belle, l'album. La pochette de l'album, elle est super. Je vais la montrer à la caméra pour que les gens y voient. Malheureusement, pour ceux qui nous suivent sur les ondes ou via le net, l'album, c'est une pochette rouge avec une sorte de cosmonaute, on va dire, avec une tête de mort. Elle est superbe, la pochette. Et honnêtement, moi, je conseille d'aller dans les bacs ou éventuellement commander sur la page Facebook de leur site. Donc, c'est Born Again. L'album, il est bien, il est très bien, franchement. Et c'est une bonne découverte. On demande qu'à découvrir et nous allons le faire directement d'ailleurs. Voilà, c'est parti. Burn Eh ben, en effet, c'est pas mal du tout, hein. Ouais. Oui. Alors voilà, on a Thierry à l'antenne. Bonsoir Thierry. Bonsoir tout le monde. Oui. C'est l'effet de l'Arsène Lupin, ça, tu vois. Ouais, mais je connais ça sur scène aussi. Oui. Ça va, le 1er mai se passe bien? Ouais, tout bien, ouais. Ben, je suis rentré il n'y a pas longtemps, donc ouais, tout va bien, ouais. Ah bah voilà. Alors, bah voilà, on t'a pour une interview et je vais laisser donc l'honneur à Sylval, donc Valérie, oui. qui m'a fait découvrir ton album. Ouais. Et voilà, elle a plein de questions à te poser. Voilà. Okay, ben, voilà. Alors, bonsoir Thierry, tu vas bien? Salut Valérie, oui, ça va bien. Bah, à part mon portable qui était, mon fixe qui était... Qui est HS? Bah, je sais pas, mais je suis parti tout le week-end, donc je pense que la batterie a pas dû tenir. Ah ouais, ça doit être ça, ouais. Bon, enfin, c'est pas grave, c'est les inconvénients. Donc, revenons à nos moutons, donc Born Again. Donc, c'est un groupe qui existe depuis combien d'années? Born Again, on s'est créé l'année dernière, début 2016, janvier. Mm-hmm. Donc, tout récent, alors? Ouais. Ok. On s'est créé en 2016, et puis tout s'est fait dans l'année, quoi. Composition, structure, la signature et le label, puis la sortie au mois de février. Ok. Là, on a passé un morceau, donc nos auditeurs, auditrices, ils n'ont peut-être pas forcément bien le style en tête. J'oserais dire, ta voix est assez rock. Elle nous fait penser légèrement à quelqu'un qu'on connaît bien, notre ami Lémy de Motorhead, faut être honnête. Hein. Ça revient souvent dans les critiques, mais franchement, je suis un peu étonné, mais bon. Ça fait plutôt plaisir. Hein. Et c'est ton idole, t'as été influencé ou pas du tout? La voix, non, pas du tout. Non. Enfin, si tu veux, ce qu'on a fait quand on a monté Born Again, on voulait se faire plaisir, c'était faire un croisement entre Black Sabbath Motorhead, quoi. D'accord, oui. Voilà, qu'on est parti sur une base années 70-80, et puis inclure des rythmiques bien heavy à la. En venant de Black Sabbath, et puis le mix, le son un peu. Le côté un peu crade de Motorhead, quoi. Oui, parce que c'est vrai que au niveau musical, par contre, c'est pas du tout du Motorhead, hein, il faut être honnête. C'est la voix qui fait un peu penser. Je suis d'accord avec toi. Ouais, musical. Ce qui m'intéressait, c'était ce mix entre des compositions heavy hardbomb classique, quoi, et avec le mix avec ma voix, comme ce côté un peu brut de décoffrage, et je pense que ça prend bien, quoi. D'accord. Au niveau des textes, c'est qui est-ce qui a les idées pour écrire, pour trouver? C'est moi qui gère toute la partie texte, c'est moi qui gère le truc, quoi. D'accord. Les chansons, elles parlent de quoi en général? On va dire un peu tout ce qui nous touche au quotidien, tu vois, de jamais s'arrêter dans ce qu'on a envie de faire, la trahison, les mauvaises influences, les gens négatifs, enfin tout ce qui est au quotidien. En gros, je prends tout ce qui nous touche au quotidien, retranscrit de façon un peu métallique, quoi, tu vois, à travers des textes un peu avec des métaphores. Tu vois. D'accord. Au niveau de la pochette d'album, l'artwork, ouais. Hein, c'est comme ça que t'appelles. au niveau du dessin, tout ça, qui est-ce qu'il y a eu un peu au niveau du dessin, de l'ambiance de la pochette, ça, les idées, ça vient de chez qui? Toi aussi ou d'autres membres? On a contacté un dessinateur qui est à ses côtés en ce moment, c'est Stan Decker, qui vient de faire, je crois qu'il vient de réaliser la dernière pochette de Primal Fear. Il a passé aussi sur Victorious aussi, c'est lui qui a fait la pochette. Enfin, il a assez bien coté, il a bossé sur la pochette de Night Ranger. Enfin, c'est un saint français qui bosse super bien. D'accord. On lui a donné nos idées et puis il a ressorti ça, quoi. Ok. Et là, je vois que vous êtes chez Massacre Records. Oui. Ça n'a pas été trop difficile pour entrer chez eux ou Comme je t'ai dit, l'année dernière, on a tout enquillé sans prise de tête. On s'est dit, on se fait plaisir. Et puis, on a enquillé les titres. En juillet, on a démarché, on a envoyé 2-3 labels. Et puis, Massacre s'est montré intéressé. Donc, on s'est dit, on fonce. Si tu veux, on part du principe que là, c'est tout du plaisir. On se fait plaisir avec une idée de groupe qui nous plaît, des compos qui nous plaisent. Et tout vient dans la foulée naturellement. Pour nous, c'est que du positif, quoi. D'accord. Et au niveau tournée, tout ça, comme tu es du Sud, j'ai l'impression que vous tournez plus au niveau du Sud de la France. Je vais te dire un truc, c'est qu'on n'est pas du Sud. Ah bon? Bon, de tous. C'est le premier scoop. Donc, même si je voudrais bien, on ne serait pas du sud du tout, parce qu'on est plutôt de l'est. D'accord. Bah, comment ça se fait, moi, que je vous positionne dans le sud de la France? Ça dépend que tu regardes sur la carte. Oui, peut-être que j'avais un coup dans l'aile, c'est ça. Il n'y a pas quelqu'un de chez vous qui est au niveau... Ah oui, je sais pourquoi, j'étais influencée. Tu m'as envoyé une invite et il me semble que le concert, c'était dans le sud. Bah, écoute, t'as pas tourné dans le sud, quelque chose comme ça? J'ai vu Bornegen. Non, c'est les dates il n'y a pas longtemps, puis là, on a plutôt des festivals à la rentrée, mais pas dans le sud, quoi. Bon, bah d'accord, bon, bah voilà, Mais oui. Donc, on est dans l'est, on vient de Besançon, dans le Doubs. Ah oui. C'est la Suisse. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est pas du tout... Bon, bah, oups, donc dans l'Est. Ouais, il y a pratiquement rien à voir, quoi. Ouais, bah non, ouais, il y a moins de kilomètres, quand même. On y va 10 fois. Ouais, bon. Et, donc, bah, pour en revenir quand même, tournée-concert, parce que, bah, en fin de compte, moi et d'autres personnes qui connaissent Born Again, on aimerait bien de savoir si il y a éventuellement un petit concert par ici, quoi, dans le nord de la France, ou... Pour l'instant, on n'a encore rien de booké dans le nord de la France. Je peux dire qu'à la rentrée, on a déjà le Rising Festival à Dijon. Oui. Des groupes comme Blasphème, tout ça. Mm-hmm. Et on a trois festivals de bouquets pour l'instant, puis pour l'instant on est en train de démarcher tranquillement, parce que vu que l'album vient de sortir, on a un peu la promo est partie. Donc on va dire que je pense que la plupart des dates se feront à partir de la rentrée 2017. Quoi. Mmh. Ouais. Donc par contre, dès que j'ai des infos, je te balancerai ça, il n'y a pas de souci. Ouais, ok, ben ouais, j'espère que tu tourneras par ici ou dans un rayon de 200 km, quoi. Question de dire un petit coucou, ça serait sympa. Il n'y a pas de souci, on est partant pour diffuser un maximum de notre son, quoi. D'accord. Et ben justement, au niveau diffusion, ça se passe comment dans l'Est? Ça bouge bien Oui. Ouais, on est de bonne scène dans l'Est. Oui, ça reste Oui, c'est clair. En plus, du côté entre Strasbourg et Lyon, il y a une bonne scène là. En plus, c'est la chance pour plein de groupes, c'est qu'il y a l'Allemagne à côté, la Suisse. Bon, après, je dis pas que c'est facile, hein. Il faut quand même aller au Turmain. Hein. Ah ouais. C'est comme tous les groupes, hein. Faut pas... que je t'avouerais, tu dois me douter que ça fait déjà quelques années que je suis un peu dans le monde de la ZIC. Mmh. Faut pas baisser les bras, puis faut toujours travailler, quoi. Ah ouais, c'est clair. Tu vois, on sort un album là, mais bon, il y a du niveau, mais on a déjà passé des heures derrière tout ça, on a passé des heures dans le cambouis métallique, hein, comme on dit. Ah ouais. Ouais, je suppose que ça vous a pris pas mal d'heures de répète et compagnie pour arriver à ce niveau-là, ou alors vraiment des bons musicos. Bah, si tu veux, au niveau des icônes, c'est la guitare, on a Chris Savouret, tout ça, qui a déjà dû un petit passé derrière lui, tout ça. Moi, j'avais déjà un groupe avant aussi. On a déjà du vécu, donc là, on voulait se faire. Ça a été assez rapide, quoi. Parce qu'on savait exactement ce qu'on voulait, donc on a gagné vachement de temps, quoi. D'accord. Et sinon, t'aimerais bien d'ouvrir. Mettons dans les rêves, on va dire, pour l'instant, on sait jamais. T'aimerais bien de faire la première partie de qui Là, à l'instant T, accepte. D'accord, ouais, m'en doutais, ouais, c'est un peu dans le même délire, ça suivrait bien, quoi. Ouais, non, mais c'est des groupes qui sont là depuis un certain temps, puis sur scène, ça le fait toujours, les mecs n'ont jamais baissé les bras, toujours proposer des shows de qualité, des morceaux, des albums de qualité. Franchement, c'est bien des groupes dont il faut s'inspirer, quoi. D'accord. Et au niveau rythmique, niveau musical, comment ça se passe? C'est les autres membres, je suppose que oui, les autres membres de Born Again donnent leur avis. Pour la compo, tu parles? Ouais, la composition musicalement. C'est le guitariste, c'est Chris qui amène des idées. Mm-hmm. On cale ça avec basse-batterie, on met ça en place, et moi je mets mes idées de chant dessus, puis généralement ça. Je peux te dire, comme l'exemple connu de l'album, eh ben, ça a été assez rapide quand même. Parce qu'en fait, quand on est dans des structures quand même heavy hard rock, on va dire classique, couper refrain. Moi, ce que je voulais, c'était toujours des solos, des chansons catchy, des refrains qu'on se rappelle. Et puis, donc en fait, on est plutôt en phase là-dessus, donc on a une vachement de temps. Puis en plus, on n'a pas de problème d'ego dans le groupe, quoi. D'accord. C'est bien, il y a une bonne entente entre vous. Ouais, ce qu'on veut, c'est efficace, puis pas perdre de temps, quoi. Ouais, c'est bien ça. Donc, parce que si tu veux, t'as vite fait de perdre du temps pour des histoires à la con. Et puis, les mois passent, les années passent, et puis ça sert à rien, quoi. Ouais. T'as un conseil à donner pour des groupes qui démarrent Des conseils? Moi, ce que je peux donner, parce que si tu veux, à la base, j'en prends toujours des conseils encore. Déjà, ce qu'il faut rester, c'est fan de musique, quoi. C'est-à-dire pas se centrer sur sa musique à lui, puis se prendre la tête. C'est respecter les fans de musique, se faire plaisir, donner du plaisir aux autres, et puis être passionné comme vous qui faites de la radio, faire un website, un zine, un groupe, une assoce. Toujours l'important, c'est de faire durer la vie de la scène, quoi. Bien c'est sûr. C'est plus important. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut chez soi, mais tant qu'on ne fait pas vivre la scène, puis on ne voit pas sur le terrain, ça ne vaut rien du tout, quoi. Donc, de votre côté, donc dans l'Est, vous avez des festivals de prévus cet été? Oui, oui. On a 3 festivals. Hein, au mois d'août, du côté de Auxerre, au mois de Rising Festival, donc à côté de Dijon, puis un que pendant chez nous, au mois d'octobre, ou inversement dans les dates, je ne sais plus. Et je pense que là, on va prendre... ça va être intéressant, quoi. D'accord. Le live, tu peux pas tricher, quoi. D'accord. De toute façon, au niveau des dates, on va sur votre page Facebook, événements, ça sera mis. Il n'y a pas de souci, ça va être suivi. Et puis au niveau distribution, on a derrière nous, il y a Massacre. Donc l'album est quand même disponible partout, donc ça c'est un plus. Mm-hmm. Parce que le plus important, c'est pas de faire un disque, c'est de savoir qu'on en a fait, que le disque existe. Bah voilà. Ça. Même si on sait que maintenant le disque a un peu perdu de valeur, mais l'important c'est de faire savoir que le groupe existe, quoi. Bien sûr. C'est ça qui est primordial, c'est sûr. Hein, oui. Effectivement. Ouais. Et pour info, la Massacre, ils ont une antenne aux États-Unis. Il sort le 5 mai, il sort aux États-Unis, l'album. D'accord, c'est pas mal parce qu'on a beaucoup de gens des États-Unis là justement qui nous écoutent. Ah bah écoute, c'est parfait alors. Ouais, c'est bien ça. Ouais, mais ce qu'on voulait c'était bosser avec un label de sérieux pour cet album, et puis après on verra par la suite, mais pour l'instant ça se passe plutôt bien, quoi. D'accord. Et pour vous faire plaisir, hein, juste pour vous faire plaisir, cet été vous allez à des festivals, style le Wacken, le Hellfest, des petits trucs comme ça. Le Hellfest, je pense oui que ça devrait être le Hellfest. Enfin, moi perso, moi, je pense que oui, le Hellfest pour moi ça devrait être bon. D'accord. Ouais, bah nous on y est. Donc oui. Si tu veux nous trouver, il n'y a pas de problème, tu demandes Rive d'Enfer, certainement qu'on devrait t'orienter. Il n'y a pas de souci. Oui, et puis tu t'adresses aussi à Roger Ouézier, qui nous connaît bien. Oui. Et puis voilà, j'ai peut-être laissé la parole à mes deux collègues s'ils ont des questions. Rebonsoir Thierry. Hein. Ah. Voilà, donc déjà merci de t'être plié à notre petit interrogatoire. Moi, j'ai juste une petite question comme ça à te poser. Que penses-tu, parce que j'entends tes influences, donc tu parles d'Acept et tout ça, c'est des gens qui ont quand même des années de carrière derrière eux. Mm-hmm. Que penses-tu de la scène actuelle métal? Et pour toi, est-ce qu'il ne te semble pas un peu comme nous, les vieux, enfin les vieux, je parle vieux musicalement, que la nouvelle génération est en train un peu de massacrer les... Le potentiel de la vieille zik avec des choses très brouillardes, très gueulardes. Je comprends ce que tu veux dire, c'est le raisonnement que je me tiens. Enfin, je pense que le problème, il n'y a pas des groupes en eux-mêmes. C'est le système dans lequel maintenant on est parti. Donc il faut consommer rapidement et puis proposer des produits rapides parce que l'industrie du disque s'est écroulée. Et on n'a plus des groupes qui, comme les anciens, comme on dit, qui tournaient des années avant de décrocher des contrats. Tout a changé. Le problème, c'est que... Enfin, toi comme moi, on va assister à la mort de tous les groupes qu'on a écouté étant gamin, entre ados, quoi. Et donc, dans quelques années, il va disparaître Judas Scorpion, il a déjà disparu Black Sabbath, Motorhead. Et c'est vrai que là, je pense que derrière tout ça, ça va être compliqué pour la relève. Parce qu'il y a des groupes fédérateurs, en fait, quoi, il n'y en a plus tant que ça. Et pour toi, justement, quel est le groupe qui pourrait devenir the best group dans la nouvelle génération? Je pense que même après, si on n'aime pas musicalement, parce qu'ils font un peu trop peut-être sur scène, je pense que Sabaton, c'est vraiment c'est un groupe heavy qui retranscrit un peu ce que tu attends quand tu as 16-17 ans. Tu vois, un show pyrotechnique, des guitares bien heavy, des bons freins. Bon, je dis pas que sur le fond, mais pas sur la forme, mais sur le fond, tu vois. Mm-hmm. Mais après, sans oublier que tu as la scène quand même, la scène trash, la scène death, la scène black, la scène heavy. Mais le problème, c'est que oui, il y a peut-être plus de... Puis aussi peut-être plus le charisme des musiciens, tu vois, qu'il y avait avant. Mmh, ouais. Des personnalités, quoi. Ok. Mais je te remercie pour la petite question, quoi. Voilà. Pas de soucis, c'est moi qui te remercie. Oui. Tu voudrais passer un de tes titres? T'as un titre préféré dans l'album ou... Eh ben écoute, non, je te laisse choisir. Le titre que toi, tu préfères. Ok, et la dernière question, c'est pour les auditeurs, auditrices qui ne savent pas, il y a un hommage à Lemmy dans l'album. Oui, D'accord. Oui, le No Class, oui. D'accord, ok. Et ben voilà, ben écoute, je vais peut-être passer justement celle-là, donc c'est la 9e, Monsieur Scream. Donc, ben écoute, je te remercie pour l'interview, je suis très contente de t'avoir au téléphone. Il n'y a pas de souci, c'est normal, hein. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à vous que j'ai compris, là. Merci. Oui. C'est vrai, merci. On t'enverra, Valérie t'enverra le lien du podcast, comme ça tu pourras le mettre dans tes archives. Voilà. Super cool. Voilà, je te remercie, hein, Thierry. Merci. Ouais, on te remercie. Ciao. Au revoir. Salut. Oui. Voilà, ben donc merci, hein. Merci à Thierry, hein, franchement. Oui. Bonne découverte, hein. Donc c'est Born Again avec le titre No Class. Voilà, reprise de Motorhead. Motorhead. Mais là on entend encore plus que tout à l'heure la voix Lemmy, on va dire ça. Ouais, ben, il a un timbre de voix assez grave rock, hein, on va dire. Un peu aussi comme notre ami Iron Bastard. Hein, tout à fait. Ouais, voilà, ça fait un peu... Bien que quand on l'a comme ça au téléphone, il n'y a pas la voix trop cassée. Ouais. Hein. Oui. Enfin, maintenant, il faut le voir en vrai par téléphone aussi, c'est pas toujours évident, on va dire. Mais enfin, moi, je le conseille, cet album. Vraiment, pour les gens qui aiment bien le style de musique ainsi, il est très bon de A à Z, que ce soit de la première jusqu'à la 10e chanson, c'est super. Ouais. S'il y a des petits shrik-shrik pour les gens qui nous suivent sur vidéo, c'est normal, on a un petit problème encore une fois de platine. Ouais, voilà. Ça arrive. Hein. Ouais. Alors là, on va s'écouter Snaker Charmer avec The Kind of Love et après, ce sera la balade crapuleuse. Oui. We'll be right back. C'est pas mal du tout, hein. Et... Ça bouge bien, tout encore une fois. Une bonne découverte aussi. Ah oui, ça s'appelle Snake Charmer, The Kind of Love. Et l'album ce sera du même acabit. Mmh. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de vraiment super, super, super, quoi. Voilà, voilà. Alors, il est l'heure de passer à la balade crapuleuse. Oula, qu'est-ce que tu nous as choisi? Honnêtement, comme c'était le 1er mai, ouais, c'est dur un peu de se mettre au travail. Hein. Mmh. Ouais, surtout... Et puis toi, t'as fait une petite virée hier soir. Oui, donc j'ai dit, je vais prendre une balade que tout le monde connaît, mais bon, le groupe commence à tourner. Il y a beaucoup de gens, justement, c'était un sujet de conversation hier entre métalleux, justement, parce qu'il y en a qui disent que pour eux aussi, ils ont dit que soi-disant, après cette tournée-là mondiale, ils arrêteraient, on verra bien. Soi-disant qu'ils ont assez tourné, que ça demandait énormément d'argent, ils demandaient beaucoup d'argent pour aller les voir. C'est Guns N' Roses. Et non, pas du tout. Non, ah bon. Aerosmith. Non, pas du tout. Mais non, Aerosmith, on sait qu'ils arrêtent. Et moi, j'ai choisi Metallica. Ah oui. Avec Nothing Else Matters. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à tourner. Et on a un ami en commun qui est un vigile du côté de Crone qui part à San Diego voir les premières à Las Vegas, pardon. Une des premières de leur dernière tournée. Donc voilà. Et je dis, j'avais pas trop envie de chercher une balade parce que quand je cherche une balade, j'aime bien essayer de trouver une balade vraiment bien pointue. Un fan fini, hein, ce monsieur qu'on a en commun. Mais il a déjà été chez James Hetfield, d'ailleurs. Vraiment, c'est vrai qu'il les suit jusqu'au bout du monde. Vrai. J'ai déjà vu des photos, ainsi de suite, qui est parti là-bas. C'est dingue, quoi, parce que... Enfin, tant mieux pour lui, il a certainement les finances, c'est sûr. Parce qu'il faut quand même de la thune pour aller jusque là-bas, billets d'avion, ainsi de suite. Mais c'est vrai que moi, j'aurais bien aimé de faire la même chose pour un certain groupe qui a fait sa finale pour de vrai. Là. Ouais. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé d'aller voir la finale aux États-Unis. Mais attention, hein, on parlait justement avec les mêmes personnes. Hein. Maintenant, il faut faire attention à ce que les groupes disent, finale et finale. Gare Scorpion avait dit finale, ils sont toujours là. C'est la vraie finale. Hein. On verra bien. Non. Peut-être que dans un an, peut-être que les tiroirs caisses seront peut-être finis. Mais par contre, une bonne nouvelle pour toi, c'est que papa a renoué avec... Zach Wilde. Ça, je m'en doutais depuis longtemps, il en parle. Maintenant, on verra bien. Enfin, c'est pour une tournée. Est-ce qu'il remplace son guitariste? J'en sais rien. Ou alors, ce serait peut-être les deux, tu t'imagines? C'est une tournée pour les États-Unis pour l'instant. Ozzy a toujours tourné avec deux guitaristes aussi. Ouais. Hein. Donc, ce serait pas mal aussi d'avoir Gus G d'un côté. Et pourquoi pas Zach Wilde de l'autre. Hein, ouais. Parce que... C'est tous les deux bons guitaristes. Hein. Tout à fait. Allez, on va s'écouter Metallica, Nothing Else Matters, c'est parti. Thank you. life is ours, we live it our way. All these words I don't just see. Et c'est là qu'on voit des gens qui s'endorment. Tout à fait. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Mais c'est vrai que c'était une putain de bonne balade. Je m'en souviens comme si c'était hier. Mm. Voilà. On en parlait justement. C'était la bonne période de Metallica. Voilà. Oui. Donc c'était la balade crapuleuse. Donc en revenant un petit peu à notre sortie d'hier et toi, ta sortie de vendredi. Hein, Non, c'est samedi, moi. De samedi, toi, oui. Mais c'est vrai qu'on est un peu déboussolé. Lundi, ouais. Normalement, on travaille. Hein. Normalement, on travaille. Donc, on va commencer par toi. Lundi, donc. Lundi au soleil. C'est une chance qu'on n'aura jamais. Si, on a. Enfin, pas aujourd'hui, il n'y a plus quand même. Hein. Donc, toi, tu es allé voir qui samedi. Quoi et où? Alors, moi, je suis allé voir Overdrivers et Iron Bastard à Peck, en Belgique. Donc, c'était samedi soir et. C'était génial. Franchement, la salle, elle était comble. On crevait de chaleur. Et vraiment une bonne ambiance. Ouais. Ouais, une bonne ambiance. Bon, je me suis pris la tête avec un gars, mais bon, c'est pas grave, ça arrive des fois. Bah, peace and love. Ouais, voilà, peace. C'est ce que je lui dis. Je dis, écoute, on va voir ailleurs si j'y suis. Voilà, en gros. Mm-hmm. Mais non, c'était super, super, super. Vraiment, c'est deux excellents groupes. Hein. Faut être honnête. Et tu portes les couleurs d'Iron Bastard. Ouais, voilà, j'ai mon t-shirt Iron Bastard. Voilà. Ben, t'as passé une bonne soirée, ben, c'est bien, quoi. Hein. Voilà. Ouais, c'était plein à craquer. Ils ont vendu pas mal de t-shirts, pas mal de CD, que ça soit Overdrivers ou Iron Bastard. Ça m'a fait un petit peu rire, tu vois, parce qu'on voit, enfin... C'est super, moi, j'aime bien cette ambiance-là. J'ai vu arriver les gens avec plein de t-shirts... Overdrivers, tu vois, les supporters là et tout, j'adore ça moi. Et moi j'étais là avec mon petit écusson Iron Bastard, installé à la terrasse avec le groupe, on les connaît bien nous fatalement. Mmh. Et on voyait qu'ils n'étaient pas dans leur patelin quoi, et c'était leur premier concert en Belgique, donc il y avait une petite appréhension quand même là derrière, et franchement ils ont mis le feu. Hein. Bah, comme à leur habitude. C'était pas mal aussi, hein. Ouais. comme à leur habitude. Ouais. Ben voilà. En plus, c'est vrai que toi, tu as eu de la chance. Ben, c'est vrai que samedi et dimanche, il a quand même fait meilleur qu'aujourd'hui. Quoi. Ouais, en fait, il faisait froid en terrasse. Hein, Oui, mais bon, ouais. On a quand même eu à passer un bon après-midi. Ouais. Et il faisait chaud, quoi. Ouais. Et ben nous, dimanche, nous sommes allés déjà à De Kruijn. Tout le monde connaît maintenant le De Kruijn, si vous êtes métalleux. Un peu la galère pour se stationner. C'était la fête foraine. Après moult et moult retour et retour le tour, nous avons trouvé une place et nous avons été donc ils ont déjà ouvert un peu en retard. À De Kruijn à moitié plein, c'est un peu dommage. Le groupe de première partie Slasher, c'était Euthanasia, qui est un groupe de Californie. Oui, franchement très bien. Ouais. Mais quand c'était en chant clair, quand ils commençaient à prendre du groll, j'appréciais moins. C'est pas trop notre style, le groll. J'appréhendais un petit peu. Après, c'était Nightmare avec une nouvelle chanteuse, une chanteuse qui remplace Joe Amore. Elle assure grave, elle est super sympa. En plus, moi qui arrive comme un con, qui la voit après au bar, je commence à lui parler en anglais. Ouais, non. Paul Morien, elle me dit non, ça va. Ah, d'accord, ok, ça va, il n'y a pas de problème. on a parlé un petit peu avec, puis j'ai vu Matt et tout ça, on a un peu discuté. Et puis il y avait Civil War, c'est très très bien. Ils ont chopé, tu disais, un chanteur trois jours avant. Oui, maintenant ça fait 4 jours maintenant. 4 jours. Et comment ça se fait là, le chanteur, il est où il est parti. Attitré. Il est parti. Bye bye. Bye bye. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Et donc il a vraiment assuré le show. Mon petit regret quand même, c'était les lights du côté de Civil War, qui était un peu moins bien pour un groupe de première partie, quoi. Sinon, ils ont mis le feu aussi. Ils ont filmé, il y a eu tout ça. On a vu les poteaux, c'était vraiment bien. Quoi. Vraiment bien. Et après, on a pu rencontrer les groupes. Et comme d'habitude, le Slasher a fait ses jingles. Ouais. Jingles oui, c'est bien. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on va s'écouter un petit truc. Vas-y, envoie la sauce. J'envoie la sauce, j'envoie la purée. Alors, à mon avis, c'est de l'espagnolito. Avec Tierra del Corborade. Corborades. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Slasher. Quand on aura fait plus d'études en espagnol, tu nous le diras. C'est Nocturiana et c'est Baraka. Baraka, ben on sait ce que c'est la Baraka. Hein. On aimerait bien des fois la voir, la Baraka. Ouais. Allez, c'est parti, les amis. Bye. Eh bien, si vous voulez du lourd, c'est du lourd. Un Nocturiana. C'est bien. Oui, avec tout simplement le titre Baraka. Baraka. Baraka. Olé, olé. Olé. Olé. Carapoyo, carapoya. Ça, je sais ce que ça veut dire. Ça, tête de poule, tête de poulet. Les poyas, les poulets. Ouais, non, c'est parce qu'on t'appelle comme ça par Messenger le soir. Peut-être des petits mots doux. Oh, mon carapoya, mon carapouillet. Non, voilà. Bon, c'était blague à part. Voilà. Et c'est marrant parce que tu vois, il y a un Agnès qui nous a dit, c'est vrai que sur le titre No Class, il a fort fort la voix un petit peu de Lemmy. On t'invite, Agnès, si tu n'as pas encore écouté, c'est les Iron Bastards. Oui. D'écouter ces plus proches. La semaine prochaine, ça sera ma Silval Song. Je mettrai Iron Bastards. Dévoile pas, laisse le suspense. Oh, Valérie, tout le monde saura. À l'écoute pour écouter Iron Bastard. Voilà. Nous, mais néanmoins. C'est pas que je fais plus de pub pour Iron Bastard, mais je reviens sur Born Again. Si vous pouvez faire plaisir et aider le groupe, allez le chercher, l'album, parce qu'il est génial. Hein. Et l'intonation de voix est quand même différente. Mm-hmm. Et niveau musicalement, très différent. Ouais. Alors, le prochain, c'est un groupe français. On remercie Tonton Roger. Hein. Merci. Il nous envoie des choses aussi. On va essayer de décaler aussi, on est en phoneur. Hein. Mm-hmm. Le groupe s'appelle Hyper Dump. L'album s'appelle The Weak Man. Tout à fait, The Weak Man, voilà. Et excellent album. Comment? Excellent album. Voilà. Et on va s'écouter le titre Awoken, donc de ce groupe, qui est franchement pas mal. C'est un petit un menu découverte. Et là, on va vraiment suivre avec un autre menu découverte tout de suite après, que tu nous présenteras, s'il tout à fait. Oui. Et je crois que c'est... C'est des gens que je connais bien, je pense. Allez. C'est pas possible. C'est pas possible. Go! Alors c'est pas mal du tout, hein. Ouais, c'est génial ça. Ça bouge bien aussi, encore une bonne découverte, hein, ouais. Groupe français alors. Groupe français, on va essayer de les avoir, merci incroyable, à toi. Incroyable, hein, on penserait pas toujours, tu vois, oui. Il y a quand même des bonnes découvertes chez nous dans notre pays, ou pays avoisinant européen, je veux dire même la Belgique, attention. Ouais. La Belgique, la Suisse, l'Italie aussi. Ouais. L'Italie sont plus power metal, tandis que, mais c'est vrai qu'en France, pour le moment, ça cartonne bien, quoi. Alors, tu vas nous présenter qui et quoi et pourquoi ? Hey. Alors moi, je vais vous présenter le nouvel album de Cyborn. C'est une exclue, hein ? Une exclue. Et ouais, parce que l'album n'est pas encore sorti. Hein. Non, il serait tardé. Il serait tardé. Il me semble que c'est ce mois-ci. Hein, mois c'est de mai. Ce mois-ci. On a une paire de jours en avance, je pense. Ouais. C'est le 1er mai, donc vraiment, vraiment... Une exclue. une exclusivité Cyborn. Donc c'est un groupe suisse. Très, très rock'n'roll. Comment expliquer, Cyborn, c'est vraiment du rock'n'roll. Ils ont énormément travaillé pour arriver où ils en sont arrivés. C'est un groupe qui a fait pas mal de premières parties très très connues du style Motorhead. Je trouve que ce groupe il mériterait d'être beaucoup plus connu qu'il ne l'est déjà. Honnêtement, c'est... en plus, c'est des mecs super sympas. Très, très gentils, très abordables. Ils aiment bien rire, ils aiment bien parler musique. On sent vraiment que c'est leur truc. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Mais bon, à mon avis, c'est un petit peu dur aussi de sortir percer, du canton suisse. Ouais, c'est... À part quelques groupes suisses comme Gotthard, qui ont eu la chance d'être là au bon moment, comme Crocus ou des choses comme ça, maintenant c'est... Ouais, ils ont quand même fait musique d'un film, c'était... X-Men. X-Men, oui. Voilà, en plus ça passe sur une chaîne... Voilà. Mm-hmm. Donc voilà, quand même ils ont un sacré niveau. Hein. Ah, ils ont un niveau, mais c'est maintenant l'industrie du disque, si... Ils sont pas sûrs d'avoir des millions. Ils ont fait des millions. Des grosses parties quand même, hein, quand tu tout regardes. À fait. Mais voilà, encore une fois, on disait justement, si tu te souviens, ils sont passés dans un festival en Terre Annon, ils étaient sur une... Ils n'avaient pas le son pour eux ni rien, qu'ils auraient dû être sur l'autre côté, quoi. Ouais. Puis ils auraient dû se jouer sur la grosse scène. Ouais. Personnellement, ouais, c'est un groupe qui doit pas jouer sur une petite scène, ça. Tout à fait. Déjà trop connu, trop... Puis ils ont des bagages, ils ont de la bouteille, ils ont tout, quoi. Faut être honnête, hein. Ils ont quand même leur bassiste, que c'est un Australien, tout ça. Il vient de loin, quoi. C'est pas la porte à côté, l'Australie. Ils ont énormément travaillé, énormément dépensé. Enfin, tout, quoi. Donc, voilà. Donc, pour en revenir, donc c'est Cyborn avec l'album 8 comme le chiffre 8. Et le titre, ben, c'est Call Me a Doctor. Eh ben, on va justement, moi, je serais bien, s'il y a une doctoresse, je préférais quand même. Hein. Bon, moi, je veux bien jouer le docteur, hein, s'ils veulent. Allez, c'est parti, on est parti. Yeah. Voilà. Et oui, donc voilà. Donc, nom du groupe Cyborn, groupe suisse, avec le titre Call Me Doctor, un nouvel album qui vient de sortir, enfin non, qui n'est pas encore sorti, excusez-moi, oui. Il va sortir normalement ce mois-ci. Donc, c'est une exclusivité Cyborn, nouvel album 8-8 comme le chiffre 8. Voilà, et les exclusivités comme ça, ben, y a que sur RQC généralement, que vous pouvez les écouter. On remercie aussi justement des groupes comme ça qui nous font confiance, qui nous envoient leurs galettes avant pour pouvoir nous les passer. Quoi. Voilà. Ouais, en espérant eux aussi. Enfin, je pense, mon petit doigt me dit qu'ils vont tourner dans le Nord. Il me semble qu'il y a une date qui n'est pas encore annoncée, mais j'ai eu un écho par un de mes bons amis qui me dit qu'ils vont tourner dans le Nord. Quoi. Okay. Prochainement, on saura quoi et qu'est-ce. Et on vous avertira. Oui, événement qui sera sur la page Rive d'Enfer, la page Cyborn, fatalement. Et moi, ma page Cyborn Fan Club France. Mmh. Bah, j'aspire les voir. C'est vrai que il nous manque hein, quand même. La Suisse, ça fait loin. Bon, ça tourne en Suisse. Mais pour aller les voir, ça fait un peu loin quand même. J'avais regardé, il y a quand même 800 bornes. C'est beaucoup quand même. Ouais, pourtant, c'est un beau pays aussi, la Suisse. Ouais, mais bon, c'est un peu loin quand même pour un concert. Quoi. Ouais, quand même. Hein, Allez, le prochain qu'on va s'écouter, là, je sais bien que tu aimes un peu moins. Elle a fini avec le groupe Sister Sin. Et elle nous revient avec un nouvel album. Donc, Mademoiselle, ou Madame, hein, c'est comme vous voulez. Live Sin. Donc, c'est le nom de son groupe maintenant. L'album s'appelle Follow Me. Mmh. Moi, je veux bien la suivre, il n'y a pas de problème. Hein. Mmh. Le titre qu'on va s'écouter, c'est Hypocrite. C'est assez marrant. Franchement, ça envoie du lourd. Elle a un peu changé vraiment avec Sister Sin. Et c'est plus les mêmes musiques, alors Non, pas du tout. D'accord. Voilà, c'est parti. Well, time makes two of us. I'm just changement de fusil d'épaule quand même hein, pour Mademoiselle. Wow. Donc Sister Sin, ça a carrément changé. Et là, c'est Liv Sin avec Hypocrite. Franchement, moi, j'adore. J'adore. Bah écoute, l'album, oui, il est. Bien. Enfin, je sais pas, je l'ai pas écouté, mais ce titre-là, il est pas mal. Hein. Il est pas mal. Mais le timbre de voix, il est plus pareil du tout. Non, à la limite, on a même la difficulté à. À la reconnaître. Et puis à reconnaître que c'est une femme au chant. Mm-hmm. Enfin, moi, je trouve. Personnellement. Mm-hmm. Ça pourrait être les deux. Et on aurait pu lui poser tout ça, car on a eu la proposition d'interview, mais encore une fois, se taper Paris. Bah oui. Voilà quoi. Que veux-tu ? Alors, la Sylvalsong, tu as choisi quoi ? Born Again. Oh, Again, Valérie ! Bah oui, parce que franchement, je reviens là-dessus, hein, j'adorais cet album. Franchement, j'adore cet album et tourne pas mal dans la voiture. Et j'ai choisi le titre 2, Strike with Power. Donc, tu sais comment que je fonctionne. Hein, moi, quand j'ai vraiment un coup de cœur sur un album musicalement, je précise bien, musicalement, parce que je vais encore avoir le droit à une étiquette, n'est-ce pas ? Donc, musicalement, franchement, cet album, il est génial. Donc, j'ai choisi la 2, Strike with Power. Voilà, donc on va s'écouter ta Sylvalsong. Eh oui. Voilà, c'est parti. Eh oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Sylvalsong. Eh oui. Donc, Born Again, le groupe qu'on a eu en interview, Fauneur, avec le titre Strike with Power. Voilà, on poursuit notre programmation musicale. Un très bon choix, hein, Sylvain, à propos pour ta Sylvalsung. Oui. Avec Alpha Han. Je vais pas vous dire le nom de l'album, j'ai pas envie. Diet Nia Zvarta. Ils deviennent de plus en plus tordus avec leur album. Et on va s'écouter, ça c'est facile à dire, Stigmata. Ça fait même penser à un film d'horreur qui était vraiment pas mal à l'époque. Et c'est parti, les loulous. Ouais. Ben là, ça sonne un peu plus punk quand même. Hein, Ouais, c'est pas mal, moi. C'est j'aime pas bien. Mal. Ouais, ouais. Alphanan avec Stigmata. Le prochain qu'on va s'écouter, ben, je remercie déjà Ellie, hein, Ellie Promotion, qui nous a envoyé une nouvelle galette. Le groupe s'appelle One Last Shoot. Et on va s'écouter le I Am Gambler. Voilà, c'est un peu plus du rock. Vraiment bien foutu. Merci Ellie, avec qui on bosse depuis quelques années. Oui, quelqu'un de très sérieux, hein, Ellie. Ouais. Oui, et très gentil. Signaler. Très gentil, très disponible. Et elle est un peu comme moi, très dévouée au nouveau groupe. Hein. Tout à fait. Et au groupe qui désire se faire connaître. Et c'est encore une personne que nous allons revoir au L. Et on va revoir du monde au L. On va revoir beaucoup là, des personnes. Voilà. Allez, c'est parti avec One Last Shoot. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Ouais, c'est bien aussi, ça. C'est bien, excellent. C'est très rock'n'roll. Ouais. Hein. Donc, c'était le groupe One Last Shoot, I'm a Gambler. L'avant-dernier titre, on va s'écouter Seven Kingdoms. L'album s'appelle Decennium, avec In the Wall. Et après, on se quittera avec un autre titre et ça sera déjà l'heure de nous dire au revoir. Eh ouais, déjà. Ça passe vite. Ça passe vite, hein. Ça passe cré-cré vite, comme diraient les petits. Ceci s'appelle tout simplement du power, hein. Oui. Et c'est Seven Kingdoms avec l'album s'appelle Decennium. Voilà, il est l'heure bientôt de se quitter, les amis. On se retrouve la semaine prochaine, hein. Et oui. On sera à deux. Nouvelles aventures. On sera à deux, le slasher. On sera en duo. Car le slasher ne sera pas parmi nous. Malheureusement. Voilà. Mais bon, on vous racontera les nouvelles aventures de Rive d'Enfer. Oui. Voilà. Allez, Sylvain, bonne reprise demain. Hein. Ah oui. Slasher, bonne reprise demain. Le réveil va retentir demain matin. Ouais, voilà. La musique. Du. Allez, on se quitte avec encore une nouveauté. Merci, tonton. Merci. The Sword, l'album s'appelle A Greeting From. Et on se quitte avec Buzard. Eh oui, bye bye. Ciao.